intrusion. Intrus, intro. Pulsion, induction spontanée. Réflexe conditionné, additionné. Terrorisme vulgaire, esprit qui tend à l'ordre et à la clarté, doit tout faire à l'envers. Le fleuve s'éterre, charrie les arbres morts qui sont tout baissent rouillant dans la vie, et les chiffres ne dépassent jamais l'unité. Dans l'impossibilité de compter les erreurs et les remanences des CRC qui cliquent dans l'obscurité. Certifié conforme aux règles du network, la console déboussolée crache du chiché du bas. Modulée et démodulée au rythme des saisons et des frontières. Le terme au poignet lâche ses effets graphiques en périphérie de la vision expérimentale, expérimentée progressivement d'électricité statistique et les roues de l'aboutissement systématique continuent à gober les polices égarées l'air de rien et de ne pas se toucher sous la verdure crasseuse du festin officiel de Thanksgiving dans la guerre à la lettre F. Intro déduction, intrusion du bois dormant d'or et de mensonges, rêve, cauchemar, Marco et Charlie des libres logiciels étoilés, gasoil découpé sous le manteau parvenu des catastrophes et des castrations électroniques sur le chien qui était craqué sans complexe par les astuces.